Salut les amis. Salut Charline. Alors aujourd'hui on reçoit une légende de l'humour sur France Inter. Ah, bah, ah oui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, dites-moi, dites-moi. Ah, écoute, c'est, c'est avec plaisir que je viendrai à votre émission. Daniel Morin. Eh oui. Non, attends, parce que écoutez, non, j'avais prévu un débat à la Sorbonne sur l'excellence littéraire dans l'humour. Mais vous savez quoi, je vais l'annuler. Non, alors Daniel, attends, on serait ravis. D'ailleurs, mais en je vais vous dire un truc, je la trouve pas mal, votre émission. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pas mal. Une fois, j'ai même failli rire. Non, non, toi. Ouais, sérieux. C'était en novembre. Alors, je sais plus qui avait fait la vanne, hein, mais je l'avais pas vu arriver. En novembre, alors. Mais donc, depuis, t'as tout vu arriver, quoi. S'il vous plaît, je suis un professionnel. Ouais, c'est vrai. Je suis Bocuse de la rigolade. Ouais, quand même. Il est pas là, Maurice? Non, il se repose. Non. Ouais. Eh ben, il peut, hein. Ah bon quoi. Je trouve qu'il est fatigué. Je suis déçu, c'est pas ça que j'avais appris. Ah, tu le connais si bien que ça? Je le connais. Je l'ai fait, le petit con. Il est venu 2 ans à la Daniel Morin Comedy School. Mais t'as une école, toi, Daniel? Évidemment, j'ai une école. Tu sais, moi, mon vrai plaisir, c'est le partage, la transmission. Ce serait pas honnête de tout garder cette science pour c'est moi. C'est beau. Bien sûr, c'est génial. Beau. Mais sinon, le boulot, tout va bien, Daniel, pour toi? Oh, bah, génial. Je suis en train de faire virer Nagui, là. Oh, ouais. Non. Oui, bon, je l'ai ajouté à ma liste. Hein. J'ai déjà fait virer Berne, Giordano, Lopez, Manoukian. Alors, vous pensez bien, un petit Égyptien? Mais vous vous entendez bien, ça va? Non, j'entends super, mais tu sais. C'est pas évident de bosser avec moi. Ah bon, mais pourquoi? Eh oui, les gens, tu vois, se comparent à moi, donc c'est beaucoup, beaucoup de déceptions. Ah oui, évidemment. Je vais te dire, le seul avec qui j'aurais bien aimé travailler dans cette boîte, c'est Claude Villers. Ah, mais justement, mais c'est notre invité. Non. Ah bon, fallait le dire avant. Je laisse ma place. Seule une légende peut prendre la place d'une autre légende. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité à la disqueuse et voici les 3 informations qui vont terminer en rondelle jusqu'à 18h. Les élections départementales risquent d'achever complètement le Parti communiste. Le PC pourrait perdre ses banlieues rouges. Ce serait la fin d'une histoire typiquement française. Georges Marchais a quand même dit « Notre ambition n'est pas de tomber plus bas qu'aujourd'hui ». Ce qui n'est pas con. Partez en excursion dans les zones de non-droit de la capitale. Oui, c'est en bas de chez vous, mais inscrivez-vous et prenez un guide. Ça s'appelle du tourisme solidaire et pensez à bien serrer votre sac à main. Les rues de Paris ne sont plus sûres. C'est que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. La Belgique veut frapper une pièce de 2 euros pour commémorer Waterloo, mais la France tente de bloquer le processus. 2 siècles après, ça reste un gros, gros traumatisme, Waterloo. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Et pour s'emparer de ces infos, je suis accompagnée du bricoleur de la blague, Alex Vizorek. Le bricoleur, comme vous y allez. Autour de la table aujourd'hui, c'est pas la quantité qui comptera, mais bien la qualité. Alors à 17h20, on réécoutera Le moins mauvais de Guillaume Meurice. Et comme tout est extrêmement bon, on a dû choisir. On écoutera son enquête sur l'affaire Strauss-Kahn et il y avait des témoignages assez forts. Je pense que je ne lui confierai pas mon chat. C'est une analyse comme une autre. Et à 17h40, celle qui m'abandonne, moi, son éconduit du Nord, pour sans doute son amant du Sud, car elle sera tout le week-end à Aix-en-Provence au Festival des Écrivains du Sud, dont elle a remporté le prix pour son merveilleux livre « Le roi disait que j'étais diable », Clara Dupont-Mono. Bonjour Troubadour, vous Alex. Vous m'abandonnez tout le week-end. Mais oui. Et à l'occasion de la sortie du film... Elle s'en fout, hein. Elle s'en fout complètement, je sais bien, oui. Non, j'essaie d'être gentille. Ça a l'air de vous toucher terriblement. À l'occasion... Non mais venez à Aix-en-Provence parce que c'est gratuit. C'est un festival littéraire complètement gratuit avec des tas d'auteurs qui parlent de ce qu'ils fabriquent et c'est très très bien. Eh bien, payé merci, pour vous. Donc... Allez-y. Alors, à l'occasion de la sortie du film The Voices, aujourd'hui, zoom littéraire sur ceux qui entendent des voix. The Voices de Marjane Satrapi. Exactement. Allez, nous sommes aussi sur les réseaux asociaux. Devenez notre ami imaginaire sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag AnnuleTout. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Quel poids sur vous, quelle pression. Vous êtes né sous le gouvernement provisoire de Charles de Gaulle. Exact. Vous entrez dans la vie active comme catcheur et lutteur de foire en 59. C'est l'année de sortie des 400 coups de François Truffaut. Ah. Vous entrez à France Inter aux côtés de José Arthur en 64 quand Georges Brassens chante « Les copains d'abord » et vous présentez le tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges et Louis Rigaud en 80 lorsque Coluche annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc vous êtes, je laisse le dire de votre voix de légende, vous êtes... Claude Villers. Oh, bienvenue, mais oui. J'attends, oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et quand Claude Villers tousse, ça reste du Claude Villers. Bienvenue sur France Inter. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Écoutez, on est ravis. Alors, je me disais, il y a le gouvernement qui pense tout doucement peut-être à remettre en route le service civique, même pour les retraités, si on le commençait aujourd'hui, Claude Villers. Il paraît que pour la transmission, pour les jeunes, c'est important. Je suis sûre que vous avez plein de choses à nous transmettre. Pas tellement, d'ailleurs. Enfin, si, bien manger, bien boire, profiter de la vie, c'est tout le reste. C'est le message que vous donneriez pour un service civique. Ça, vous pourrez aller en parler à la cantine de France Inter, qui n'a sans doute pas changé depuis votre époque. Il y a longtemps, je n'y suis pas allé. Oui. Je vous inviterai. Alors, et vous êtes entré à France Inter à 19 ans. Et oui, c'était... en fait, j'allais sur mes 20 ans. J'avais 19 ans et demi, voilà, exactement. Et j'ai commencé à travailler, effectivement, avec José Arthur, à faire une émission qui s'appelait « Table ouverte ». Et j'écrivais des textes pour lui, voilà. Et puis, un jour, il a dit « Je vais faire une nouvelle émission à la rentrée, qui s'appelle Le Pop Club, qui s'appellera Le Pop Club. » Voilà, c'était en octobre 65. Et qui a duré très, très, très, très longtemps. Oui, bon, alors que vous avez renouvelé vos concepts, mais quasiment tous les 2 ans. Ah, moi, je n'ai jamais fait une émission plus de 2 ans. Et pourquoi il s'est arrêté, flagrant délire, toi? Sans doute, vous l'avez raconté 100 000 fois, mais... Oui, parce qu'au bout de 2 ans, moi, je trouve que faire la même chose, j'ai pas choisi ce genre de métier pour faire tous les jours la même chose. C'est l'idée de se renouveler, en fait? Ah oui, c'est, en plus c'est bien de se creuser un peu les ménages, de se dire, tiens, j'ai une nouvelle idée, on va essayer. Et j'ai eu la chance d'avoir des directeurs qui avaient accepté ce genre de choses. Et ils m'ont donné ma chance à chaque fois. Et à chaque fois, ça n'a pas changé. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Alors, vous dites souvent aussi que l'absence de publicité permet une liberté de ton totale sur Radio France. Je veux dire, même avec la Matmute, on a une liberté de ton totale. À mon époque, il n'y avait pas la Matmute. Quand j'étais c'était jeune. C'était la belle époque, alors. Et comme les vieux... On les embrasse. Ils payent qu'à avoir notre cachet. À mon époque, il n'y avait pas la Matmute. Il n'y a pas que ça, quand même. Est-ce que la liberté de ton sur France Inter... La liberté de ton vient d'une part... de ceux qui en abusent même, ouais. Il faut en abuser, et il y a forcément un moment où quelqu'un va dire « Ah non, il ne faut pas aller si loin » et tout, et j'avais moi toujours une réponse à mes différents directeurs, dont certains vivent encore, heureusement, et c'était simplement « Est-ce que tu peux me le dire par écrit ?» Et c'est très gênant quand... je vous donne le conseil. Simplement dire, est-ce que tu peux, ce que tu viens de me dire là, tu pourrais me l'écrire en signant sur un papier en tête, le directeur, signé en bas. Et en général, ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Est-ce que durant ces 2 années, il y a une émission que vous avez quand même laissée à contre-cœur? Eh bien, c'est celle que je n'ai pas faite 2 ans, justement. Il y a une émission que je n'ai faite qu'une seule année. Qui était l'année avant le tribunal, d'ailleurs, qui s'appelait « Comment on fait sa nuit, on se couche ?», qui était une émission, j'étais puni, en fait. J'avais fait l'imbécile avec mon camarade présentateur de l'époque, qui était Patrice Blanc-Francard, qui, lui, est devenu directeur, beaucoup plus tard. Mais, Lui, il a réussi, c'est ça. Oui, lui, beaucoup plus que moi. Et donc, on peut dire ça... Mais toujours est-il que c'était une dame qui était PDGère à l'époque, c'était la première femme PDGère de la maison, et elle avait trouvé qu'on faisait trop les fous. Vous poussiez le bouchon un peu loin. L'après-midi, on faisait l'émission à la place de Chancel. À 5h de l'après-midi, ça change. Ah tiens. C'est pas un horaire pour déconner, Claude, hein, ça je tiens à vous le dire. émissions sérieuses à cette heure-là. Voilà, c'est ce qu'elle a cru. Et donc, elle voulait que je reprenne, je faisais une émission avant qui s'appelait Marche ou rêve, et elle voulait, moi je voulais pas reprendre. Et donc du coup, elle m'a mis le soir à 11h du soir, à la place de José d'ailleurs, justement. Ah ben voilà ce qui nous pend au nez. Peut-être. Et donc, cette émission, en fait, j'ai pu garder l'équipe de reporters qui travaillait avec moi. Et on a fait la vie des gens à travers le monde la nuit. Parce que la vie, la nuit, n'est pas du tout la même. C'était un petit peu Paris dernière avant l'heure, quoi. Oh. C'est vous qui l'avez inventé. Il était dans les langes. Ouais, évidemment. Et là, vous avez aussi fait une émission qui s'appelait « À plus d'un titre, oui. sans invité ». Et vous écriviez 19 feuillets par jour. Et 18. Pardon. Alors, attendez, parce que là, je vais corriger. Excusez-moi, parce que là, c'était pas précis, quoi. C'est important, un feuillet de moi. Nous sommes avec Claude Villers jusqu'à 18h. Un horaire qu'il a donc occupé lorsqu'il oui. était foufou. Eh ouais. Allez, on écoute David Bowie. On est ensemble jusqu'à 18h parce que vous avez tout annulé pour nous et on vous en remercie. Small Jean Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slash back blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Jean Genie lives on his back. The Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Jean Genie, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Ooh. The Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Jean Genie, let yourself go. David Bowie dans le manche-disque de France Inter avec à la technique Kevin Pelot, Maxime Ingrand et à la réalisation David Jakubowiecki. Et aujourd'hui, et avec autour nous... de la table, Clara Dupont-Moneau. Et celui qui le sait ou il le sait pas, mais si beaucoup d'humoristes ont envie d'être sur France Inter aujourd'hui, c'est à cause de lui, Claude Villers. Et alors, si vous voulez nous voir, pour la première fois, on m'a soufflé que si on allait sur le site internet de France Inter, il y avait un petit clic à faire et on nous voyait dans le studio, donc vous serez un peu avec nous. C'est aussi possible sur l'appli, m'a-t-on dit. Allez, une petite revue de presse à deux voix, Alex Vizorek, parce qu'on consomme l'information. Boss. Et puis on en fait n'importe quoi, comme d'habitude. Charline Van Macker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par les suites de l'accident d'hélicoptère en Argentine. Oui, hier, les deux JT de 20h ont été brillants avec la palme pour TF1 et le duplex de Louis Baudin qui était censé présenter cette émission avec en arrière-plan, à 20 mètres derrière lui, la carcasse de l'hélicoptère qui avait chuté. Ah ouais, ça c'est pas bon, c'est pas ben de chance. Ben non, c'est pas de chance, c'est pas de chance parce qu'initialement le duplex était prévu en direct de la morgue mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. Ouais, ouais, et sur France 2, il y avait aussi un duplex. Oui, oui, oui, le duplex le plus surréaliste de l'histoire du duplex car devinez où était Gérard. En Argentine. Non, non, il était en France. Ah bon, dans quoi, un club d'hélicoptère? Non, non, non, il était en bord de Seine à Paris, à la hauteur du pont Garigliano. Du pont du Garigliano. Oui, c'est ça. Et ça, c'est juste en bas de France Télévisions, ça. En fait. Exactement. Ah bon. Bonsoir à vous, Gérard Holtz. Quel est votre sentiment à vous? Est-ce que vous penchez vous aussi pour une probable erreur de pilotage? Oui. À écouter les spécialistes, je ne suis pas pilote. On est d'accord, ça n'a aucun intérêt d'être au pied de France Télévisions non, pour un duplex. Non, ça n'a absolument aucun intérêt et on se demande comment ils ont choisi cet endroit. Ah. Ouais, allô Gérard. Ouais, Gérard, écoute, on a besoin de toi pour un duplex sur l'Argentine. Avec plaisir, avec plaisir, je connais bien, j'ai déjà été à Dakar. Ah, bon, tu peux être sur place, Kion, là. Bah, si j'ai pas de soucis avec les ascenseurs, en 50 secondes je devrais y être, mais il fait frisquet. Vous préférez pas qu'on fasse ça en studio? Non, non, bah surtout pas, parce que là, tu vois, pour un duplex, c'est moins fort le studio. Ah, ouais. Vous êtes sûr de ça? Ah, ouais, bah bien sûr, ouais. Et puis tu pourras mieux répondre aux questions comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, autant de profiter du duplex pour répondre à des questions comme celle-ci. Cette région, Gérard, vous la connaissez bien. Est-ce qu'elle présente un relief ou des risques particuliers? Bah écoutez, le relief à Paris, bah c'est pas très accidenté hein, comme ville. Et puis comme vous le voyez, je suis à côté d'un fleuve. En revanche, je peux vous parler des embouts, David. Il y a trafic est fluide en direction de la Madeleine et sur la rive droite, bah c'est un peu encombré. Merci Gérard, merci pour ce témoignage. C'est fort. Ah bah c'est fort. Ah, c'est mais fort, quel mauvais esprit. Non, non, c'est... non, pas nous. Non, pas non, nous, c'est pas comme nous, ça. Et nous. C'est avec nos impôts. Bah, ça coûte moins cher, hein. Bah, ça coûte moins cher, le pont du Garigliano, par rapport à l'Argentine. À l'Argentine, c'est sûr. Bah ouais, donc on fait des économies. Claude Villers, on est d'accord. Ça marche comme ça. Oui, c'est... Ouais. C'est l'héliport d'ici les Moulineaux qu'ils voulaient fermer. Vous voyez qu'ils ont bien fait de le garder. Au moins, il y aura une cohérence. On passe politique. À autre chose. Politique, oui. Gérard Larcher va sévir contre l'abstinence au Sénat. Le président de l'hémicycle va frapper les sénateurs. Non, pas l'abstinence. Alex, relisez votre fiche. À mon avis, l'abstinence au Sénat, c'est de fait. Mais donc, je vais relire ma fiche. L'absentisme. Attendez, parce qu'on va couper. Attendez. Enregistrez, est-ce qu'on peut couper? Ouais, à 17h25 sur France Inter, on coupe. On ok. Attendez, remettez la bobine. Allez, c'est reparti. Et donc, tout de suite, Alex Vizorek, politique. Mais politique, Gérard Larcher va sévir contre l'absentéisme au Sénat. Le président de l'hémicycle va frapper les sénateurs trop absents au portefeuille en diminuant leurs indemnités. Oh là là, dites donc, tout fout le camp. Ouais. Hein. Rassurez-moi, si on est présent au Sénat, on a quand même encore le droit de faire la sieste en séance. Ah oui, ça, mais c'est comme tous les autres avantages. Hein. Les sénateurs ont toujours droit aux frais de taxi. Ils ont 40 allers-retours par avion par an. Et le train gratuit illimité en première classe. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est pas logique parce qu'on peut pas encourager les sénateurs à voyager et puis leur reprocher de pas venir siéger. Ah, il avait pas vu ça comme ça. Ah ouais, bah tout fout le camp. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors on termine par une triste nouvelle qui nous vient des États-Unis. Oui, le restaurant new-yorkais de Nafissatou Diallo a dû fermer pour cause d'incendie. Ouais, et elle va encore dire que c'est pas elle qui a allumé. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Claude Villers. Vous savez, on est un petit peu foufou à 17h oui, aussi. Oui, c'est bien. Bon, on va finir à 23h30. Merci d'être venu nous prévenir. Ah ben, je vous en prie, moi, j'ai ma soirée. Claude Villers, légende de France Inter, voilà. Avec notamment, mais bien sûr notamment, le tribunal des flagrants délires. Et avec vous, le premier sujet délirant de cette actualité qu'on va voir ensemble. Délirant, attention, parce qu'il s'agit du Parti communiste. Et généralement, quand c'est du PC, qu'est-ce que c'est fun. Le Parti communiste perd ses deux derniers peut-être départements. On ne sait pas, après les élections départementales, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y en a plus que deux dans l'escarcelle. Alors, c'est tout le parti qui est menacé s'ils perdent leurs deux derniers bastions départementaux. Du moins, ce qui reste du PC, bien sûr, mais le plus grave, c'est qu'on risque aussi à l'heure de perdre la fête de l'UMA, quoi. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'international. J'ai présenté la fête de l'UMA. Portait des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La la la. Les fatales Picard. Mon père, que ce choix ne sera pas le bon. Qu'il est inutile de dire avec force le 12 mai, qu'il est utile. Correction importante, hein. En politique, avec une faute pareille, je loupe le bac, hein. Je vais rien dire sur les lapsus aujourd'hui. Hein. Donc les Fatal Picard, featuring Georges Marchais. Hein. Classe. Et voilà, et bien c'est un dossier dans Les Inrocks qui paraît aujourd'hui, Les Inrocks de cette semaine, parce que pour le Parti communiste, l'enjeu des élections départementales est donc historique, puisqu'il risque de perdre ses deux ultimes bastions, que sont l'Allier et le Val-de-Marne. Alors on a lu ça dans Les Inrocks et on s'est dit, tiens, là c'est... Alors, le PC est déjà pas en très bon, en très bon état. Mais alors, s'il perd ces deux bastions départementaux, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que c'est pas un pan de la culture française qui disparaît? C'est une spécificité française, ça, quand même. Oui, moi, ça me rassure pas, parce que je me dis, comme certains analystes politiques, je ne voudrais pas vexer, que... Bah, il paraît que les gens qui votaient communistes, ils votent Front National. Je ne suis pas sûr que les humoristes vont gagner au change quand les gens du Front National vont... est-ce que vous trouvez que, par exemple, Philippot ou Le Pen sont plus drôles que Robert Ruth, si je peux me permettre, c'est quand même vous qui avez fait rentrer dans l'arène des rigolos Jean-Marie Le Pen à l'époque, parce que ça, exact. C'était quand même un moment fort. Oui, ça a été, on a fait le tribunal, ouais. Les flagrants délires. Et vous l'avez rendu sympathique, peut-être. C'était pas une volonté. Ça, je ne suis pas sûr. Alors, je trouve que quand il rit de bon cœur à Rigaud... Il a même perdu son œil de verre à un moment, mais... si vous regardez la vision d'eau, il fallait le cacher. Sur la vidéo, on le voit. Une vidéo, on le voit. Il y a l'un de mes assesseurs, comme on dit dans les tribunaux, c'est-à-dire l'un de mes assistants, qui d'un seul coup part à toute vitesse pour aller au pied du box des accusés, pour aller ramasser les éveils. si, c'était... Est-ce que la radio était déjà filmée à l'époque? Non. En fait, aujourd'hui, on n'a rien inventé. Non, c'était un coup de hasard. C'est tout à fait par hasard. À l'époque, c'était France 2. France 2 voulait faire le tribunal à la télévision. Et donc, ils avaient fait un test. Une maquette, si vous voulez. En s'emparant de votre émission de radio. Voilà, et donc ils avaient filmé, il y avait deux émissions. C'était les prémices de la radio filmée, donc, en quelque sorte. C'était ce jour, parce qu'en fait, au total, il n'y a que trois émissions qui ont été sur film. Il y a eu deux qui ont été comme test. La première avec un indice, oui, dites-nous, on va trouver. Pour revenir à Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous avez eu Georges Marchais comme invité au tribunal? Non. Georges Marchais, non. Clara Dupont-Monod. Bah oui, justement, ils veulent aussi, c'est une mémoire, hein, qu'ils veulent visiblement un peu purger. L'UMP, en fait, l'UMP. Il se trouve que dans la commune en question, ils veulent débaptiser un parvis. Alors ça se passe à Villejuif. À Villejuif, voilà, le parvis Georges Marchais. Et l'UMP parle de débolchévisation. Non, mais c'est assez fort comme terme. Et à Champigny-sur-Marne, l'UMP Alain Chevalier apostrophe les passants en disant « Si vous voulez en finir avec la dictature communiste, c'est maintenant ou jamais, le communisme, c'est 18 millions de morts. » On est quand même dans une dramatisation un peu à outrance du débat politique, non, vous trouvez pas? C'est-à-dire que personnellement, j'aime pas beaucoup M. Marchais, mais j'ai plein d'autres communistes que j'aimais bien, et que j'aime toujours bien d'ailleurs. Je vous dis, ils sont quand même plus sympathiques que d'autres, et au moins à l'origine, tout au moins, ça a été détourné, c'est vrai, et ça a été complètement perverti, mais les idées sont plutôt généreuses. Leur application après... Alors après, il y a des héritiers, il y a des partis comme... il y a déjà le Front de Gauche d'un côté, et puis il y a les partis comme Podemos et Syriza, où en Europe, il y a quand même une gauche de la gauche qui vient proposer une alternative. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Ce sont des partis beaucoup plus policés, si je puis dire. Mais vraiment des gens qui ne plaisantent pas un instant, parce que c'est vraiment, eux, la dictature du prolétariat, c'est vrai, mais plus dictature que prolétariat. Et on rigole moins qu'avec Georges Marchais. Donc, comme c'est vrai. Le disiez, Clara Dupont-Monod, donc c'est à Villejuif, le parvis Georges Marchais a été débaptisé par le nouveau maire UMP, et la veuve de Georges Marchais a saisi la justice, donc on verra ce qui se fait de la mémoire du Parti communiste, finalement. Le parvis a été rebaptisé, le parvis Georges Maté, un un célèbre cancérologue gaulliste. Et voilà. Donc maintenant, quand l'alternative politique, c'est aussi s'occuper des plaques de rue. C'est comme ça. Allez, à cette heure-ci, je vous propose de découvrir, si vous ne connaissez pas Claude Villers, Guillaume Meurice, qui n'est pas avec nous cette semaine. Il se repose, car faire des blagues, c'est épuisant. Il fait de la comédie d'investigation, du journalisme comique. Je pense que ça va vous plaire. Et écoutez, c'était diffusé le 2 février dernier. Je vais vous parler aujourd'hui du procès de DSK, sujet délicat. Beaucoup de questions se posent, notamment est-ce que son avocat doit plaider en robe, au risque de l'exciter, par exemple. D'autres questions, savait-il que les filles étaient des prostituées? N'est-il pas tout simplement naïf, DSK? Ça va être sa ligne de défense. Bon, moi j'ai un avis sur la question, je pense qu'il est naïf, parce que c'est pas facile de reconnaître une prostituée. Moi je vais vous dire, j'avais mal à l'épaule, il me fallait un massage. Je vais sur internet, je farfouille un peu, je tombe sur une annonce. Une certaine Eva, masseuse de profession. Eh ben super! Du coup, je l'ai appelée. Allô? Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler à mademoiselle Eva, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. C'est vous? D'accord, très bien. Je me permets de vous appeler parce que j'ai vu que vous proposiez des massages. Est-ce que c'est bien le cas? Massage, bouddhi-bouddhi, pénétration. Ah, bouddhi-bouddhi, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est massage avec ma poitrine. Ah, vous massez avec votre poitrine, d'accord. Et ça, ça soulage? Wow. Parce que moi, j'ai une douleur à l'épaule. Oui. Ça soulage les douleurs à l'épaule également? Oui, pas de souci. D'accord, et vous parliez de pénétration, alors ça, ça me fait un peu peur. C'est pénétration, c'est massage, bouddhi-bouddhi, pénétration. D'accord, mais pénétration de quoi exactement? Parce que moi, c'est à l'épaule, hein, la douleur. Oui, c'est pénétration vaginale. Ah, mais d'accord. Donc de vous, en fait, pas de moi. Comme tu veux. Ah oui, vous voyez, j'ai failli avoir mal à un autre endroit en plus de l'épaule. Hein. À cause de quoi? À cause de ma naïveté, tout simplement. De la même manière, je ne savais pas que DSK aimait autant le sexe. J'ai d'ailleurs contacté une sexologue qui pense même qu'il a des problèmes d'érection, DSK. Elle venait de lire le fameux livre de Marcella Yacoub, dans lequel elle raconte son aventure avec lui. Elle le dit d'ailleurs, nous n'avons jamais fait l'amour comme tout le monde. Oui, mais quand même, il lèche l'oreille jusqu'à se pâmer. Pourtant, il y a des articles qui disent qu'il avait jusqu'à 10 à 12 partenaires dans la même soirée. Donc quand même, il devait avoir la santé. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait avec? Ah bah oui, c'est sûr que s'il leur lèche l'oreille, c'est plus facile, ouais. Et ben voilà, hein, vous pouvez le faire toute la nuit sur 45 personnes. Et ben oui, vous voyez, c'est pas un mauvais bougre ce DSK. Il fait des partous de léchage d'oreilles et puis c'est tout. Il a une passion pour la surhumaine et puis voilà, c'est tout. Bon, j'avais une autre question pour madame la sexologue. Et vous, en tant que femme, est-ce qu'il vous séduirait au DSK? Ah, je ne pense pas. Je pense que je ne lui confierais pas mon chat. Voilà. Ah, vous pensez même votre chat carrément? Absolument. C'est un chat ou un chat femelle? C'est que ce soit l'un ou l'autre, mais non, de ce point de vue-là, il est plutôt femme, je crois, effectivement. Donc il en voudrait peut-être pas de mon chat. Non, il voudrait pas lécher son chat. Bon, ça devient un petit peu tendancieux, parlons plutôt économie, parce que DSK, c'est avant tout un expert en économie. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi tout le monde est d'accord là-dessus. Il doit y avoir une raison qui m'échappe. Moi, je suis pas spécialiste, alors pour en savoir plus, j'ai joint au téléphone Sylvain Mathieu. Il a été candidat à la tête du PS l'année dernière, plutôt à la gauche de la gauche, vous voyez. Et pourtant, il pense que DSK est un expert en économie, n'est-ce pas? Ah oui, je pense, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière pour qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est un expert en économie? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah, effectivement, c'est l'image qu'on en a. Il a été notre ministre de l'économie. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme réforme marquante quand il a été ministre de l'économie, par exemple? Bah, il a beaucoup privatisé. Donc ça en fait un expert en économie? Ah, vous vous posez des questions pièges, là. Ah, c'est pas évident. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Bon, moi, je dirais quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'économie du Carlton de Lille. Bah oui, on parle de cet établissement à longueur de journaux aujourd'hui. C'est grâce à lui. J'ai d'ailleurs contacté l'hôtel. Est-ce qu'au moins une suite porte son nom? Non, on va pas faire ça, quand même. Ah bah, ça serait quand même la moindre des choses pour lui rendre hommage. Non, il est jamais venu ici, monsieur. Il est jamais venu au Carlton? Non. Bah alors pourquoi on l'appelle l'affaire vous du Carlton? Sur un sujet, vous êtes censé le savoir, qu'il n'est jamais venu. Ah mais c'est pour ça que j'enquête, c'est pour ça que je vous appelle, c'est pour avoir ce genre de renseignements. Voilà, vous avez l'info. Ah bah oui, j'ai l'info, il a jamais foutu les pieds au Carlton de Lille, DSK. Et moi j'y crois, parce que moi je suis naïf, hein, je vous le dis, je suis comme DSK. Dernier exemple, ma grand-mère, elle collectionne les poupées. Bon, j'ai appelé Rue du Plaisir, c'est un magasin qui a priori vend des poupées. Des poupées, ouais, mais c'est pas des poupées de collection, quoi, j'ai envie de vous dire. Ah, mais c'est quoi la différence, alors? Non, moi, je vends des poupées gonflables, ici, pour l'acte sexuel. Des poupées pour l'acte sexuel? Vous cherchez quoi, vous? Des poupées de... genre des poupons? Oui, enfin voilà, toutes sortes de poupées. Ma grand-mère, elle les collectionne, donc je pense qu'elle n'a pas tous les modèles. Non, bah moi, je vends des poupées, on les gonfle et... On les gonflait, et puis elles ont un vagin artificiel, une bouche artificielle, un anus artificiel. Oui. Ah, un anus artificiel, ma grand-mère, elle en a un aussi. Oh. Ah bah non, mais je suis naïf, c'est pas de ma faute, je vous le dis, je suis comme DSK. Mais je sais quand même que ce procès va ressembler à un grand bal d'anus artificiel, autrement dit, un bal des faux culs. C'était Guillaume Meurice, qu'on retrouvera demain, bien sûr, dans une autre diffusion. Il vous a fait rire. Ah oui, bien sûr. Ah, moi, DSK me fait beaucoup rire. Déjà, lui, déjà. Alors, bah, oui, c'est vrai que... Quelqu'un comme celui que nous avons entendu, et aussi, oui. Il est bien. C'est vrai qu'en ce moment, parmi les politiciens, il y a quand même des bons générateurs de blagues. Il y a qu'à se baisser pour ramasser. Ah oui, moi, je trouve que ceux qui, aujourd'hui, disent qu'il n'y a plus personne qui peut faire rire la France... Ah bah, ils nous piquent notre boulot, Claude, je vais vous dire. Hein, c'est... Oh, non, parce que justement, ils prêtent le flanc à certaines plaisanteries de notre bientôt part. Bientôt, on va les retrouver faire des chroniques, je vous assure. Hein, nous, on a peur. Ah bah si, c'est déjà le cas. C'est Roselyne Bachelot, elle s'est reconvertie. Bah oui, j'allais vous dire, il y a plusieurs qui envisagent d'autres carrières. Qu'est-ce que vous croyez que DSK va faire maintenant ? Non, me dis pas qu'il va faire humoriste. Bah, il peut raconter des histoires graveleuses. Oui. Peut se voir sur France Inter. Bah, des conférences à 100 000 boules, comme Sarkozy. Remarquez, il y en a qui ne le font pas exprès. Hein. Nadine Morano, elle est drôle et elle ne fait pas exprès. C'est vrai. Et voilà. Et nous, nous sommes sur France Inter avec Claude Villers. Et tiens, on va parler avec vous des voyages culturels ensuite. Ah. Et puis, il y aura la chronique de Clara Dupont-Mono, tout ça, jusqu'à 18h. Tu dis que je fais le gamin, tu me traites de gosse, mais c'est pas une insulte. Le jour où tu le comprendras, tu deviendras adulte. Moi j'ai accouché mes parents, puisqu'avant moi, ils ne l'étaient pas. Quand je serai grand, je vais me rappeler que petit, je l'étais déjà. 1, 2, 3, sommeil, réveillez-vous. Les adultes ont de plus grandes dents que le méchant loup. C'est pas du jeu, ils trichent, aimants, ils veulent devenir riches et rentiers. On court dans une forêt d'émerveillement qu'ils veulent cimenter. Et quand l'enfant parle, personne n'est là pour l'entendre. Le monde d'un triste bazar, qui sait qui rangera la chambre. Peut-être une fée, un elfe, un dragon, une libellule bleue. Vieux, dans nos jeux d'enfants, on prend les choses au sérieux. Je suis l'enfant roi, mais je n'ai qu'un seul caprice. T'arracher la terre des bras, loin du mari violent. La femme battue cicatrice, finis tes armes chimiques radioactives. Tes drones anti-écolo, je leur fais la guerre munis de bombes à eau. Je récupère le carrosse, les rênes, coup d'état avec des dents de lait. Je dissémine les espoirs, les rêves. Sans dire s'il te plaît, car si je dois m'adresser à toi, c'est pour te tirer la langue ou pour t'avertir qu'ici bas, c'est moi qui commence. Parce que le présent nous insulte, voici les enfants insolents qui catapultent les adultes plus haut que leur cerf-volant. Avec nos crayons de couleur, créer le monde qu'on a rêvé, rêver d'une ronde pour danser, gouverner la mort volée. Back, c'est Guts. Guts, c'est un producteur français. Et les voix qu'on entendait, c'était les Studio School Voices de New York. Vous êtes sur France Inter, où on aime être précis, avec la programmation musicale de Muriel Pérez. Nous sommes avec Claude Villers jusqu'à 18h. On convoque l'actualité à la barre. Exactement. Avec Alex Vizorek et Clara Dupont-Mono. Accusé. Allez, le deuxième sujet, le voyage culturel se trouve sur le pas de la porte, surtout dans ces fameuses no-go zones. Vous savez, Claude, ces prétendues zones de non-droit avec lesquelles Fox News ou Valeurs Actuelles essayent de nous terroriser. Et comme il est possible de visiter les townships de Johannesburg ou de Cape Town, il est possible de s'aventurer aussi dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris ou de Château Rouge. Mon Dieu, c'est terrible, c'est la cour des miracles. attention, ça y est, je viens de tourner là dans le boulevard Barbès actuellement. Oui. Il y a beaucoup de monde, vous le savez. Nicolas, si oui. tu renonces, on ne t'en voudra pas. Non, non, je dois le faire, je vais le faire actuellement pour TF1. Je dois le faire pour moi, pour mon image de marque et pour la France. Je le fais. Rentrez chez vous, les Noirs et les Bougnoules. Je l'ai fait. Ushuaïa à Barbès, vous aurez reconnu les inconnus, bien sûr. Alors, c'est un article paru dans La Croix aujourd'hui, à propos notamment de l'association de tourisme solidaire qui s'appelle Bastina et qui fait découvrir les dessous des quartiers de Château-Rouge et de la Goutte d'Or aux Parisiens et aux Franciliens en général. Claude Villers, on en est là. C'est-à-dire qu'on en est là. Moi je pense qu'on devrait louer des armes avec. Pourquoi personne n'y a pensé ? Vous êtes plein de bonnes idées. Vous êtes pour un safari, vous, plutôt. C'est vrai que les petits, quand ils viennent en Afrique du Sud, les centres de petits camions qu'ils ont découverts, et vous êtes à l'arrière, il y a deux guides qui sont devant, et vous êtes un peu comme, comment il s'appelait, c'était Serge Dassault. Qui faisait ça, qui était arrêté par les gendarmes quand ils chassaient. Ah, bah, sûrement, parce que c'est un philanthrope, hein, donc sûrement. Oui, mais en plus, c'est l'immunité parlementaire. Donc, mais je vous signale que pour ce qui est des 4x4, si vous allez dans les quartiers très riches de Paris, il n'y a que des 4x4 avec des pare-buffles. C'est vrai. Le concept du pare-buffle dans le 7e arrondissement est quand même quelque chose. Alors, c'est la vie, on se moque. Et le toit ouvrant, donc vous pouvez vous mettre par. On se moque parce que c'est quand même un peu le cahier des charges de cette émission. On adore ça quand même, on se fait plaisir. On visite un peu ces quartiers qu'on appelle chaud ou bigarré dans la presse, comme on visiterait Dakar, Rabat ou Belgrade, on ne sait pas avec un guide. Mais signalons quand même cette association, c'est quand même assez chouette. Ce sont des migrants européens qui font visiter leur propre quartier et on les découvre sous un autre œil. Il y a par exemple dans cet article de La Croix un guide malien qui fait partager la diversité culturelle et plein de choses à des curieux. Alors ils ne sont pas nombreux les curieux, je pense qu'en un an il y a eu 200 personnes. Mais surtout qu'il faille des circuits organisés pour accéder à la diversité culturelle. Bah, vous pouvez y aller tout seul, mais... Bah, oui, non, oui. Non, vous n'y allez pas. Hein. Non, mais, ou alors, dans ces cas-là, on fait la même chose, mais avec les ghettos de très grands milliardaires de parisiens. On rétablit la balance. Ça, rigolo. Bah, oui. À Neuilly, vous voudriez... Bah, à Neuilly, moi, vous avez plein de quartiers riches. Moi, je veux bien faire un safari à Neuilly avec Claude Villers. Ah oui, mais alors là... Derrière les grilles, il doit y avoir des choses... Des espèces rares. Mais des espèces cela rares. Dit, aujourd'hui, on est dans un Paris où c'est la gouaille parisienne, elle est là. C'est-à-dire que s'il y a 35-40 ans, vous aurez fait visiter le Paris d'Audiard, vous auriez été dans des quartiers géniaux. Et donc, oui, je pense mais que sans passer idée. Par le recours un peu zoologique voilà. du mais circuit c'est que, organisé. C'est parce que nous, on se moque, mais je pense que c'est peut-être pas l'idée de départ. Mais ça s'est passé aux États-Unis, vous savez. Moi, j'ai vécu là-bas, j'ai travaillé là-bas. Comme correspondant de l'ORTF. Oui. L'ORTF. Mais il y a eu des Noirs qui faisaient visiter Harlem, et où les gens n'osaient pas aller. Et ça se fait dans les townships, par exemple, on en rigolait, mais voilà. À Johannesburg ou à Cape Town, oui. Où alors on peut voir les choses de deux côtés, mais on peut voir le côté où ces gens sont quand même flattés qu'il y ait quelques personnes qui daignent avoir la curiosité d'aller dans les townships, mais alors de passer une journée et de vraiment s'intéresser à leur vie. Et là, pourquoi pas et ça fait vivre des associations sur place, oui, et notamment beaucoup de femmes qui font tourner les assos. En général, les indigènes, pour parler comme il faut, n'aiment pas du tout que les touristes viennent. Ça dépend lesquels. Non, parce que c'est pas. Si vous le voyez comme un zoo, oui. Mais si vous le voyez comme vraiment un intérêt et de comprendre comment les gens vivent, etc. Mais certains sont aussi flattés. En fait, les Noirs vont travailler chez les Blancs, chez les riches Blancs, mais les Blancs mettent jamais les pieds dans les townships. Bien sûr. Et quand il y a quelques touristes curieux, pourquoi pas, ça peut. Le débat est ouvert. Vous l'avez vécu en Afrique du Sud, donc vous pouvez parler aux jeunes. Voilà, si vous parlez d'expérience. Mais voilà, le débat est ouvert. On a lancé même un autre débat avec. C'est formidable. C'est le principe de cette émission. On change peut-être un peu trop le monde, parfois, je me dis. Il faudrait qu'on se méfie. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, on va trop vite. Écoutez, je ne sais pas si on est écouté par la Maison Blanche, j'en sais rien. Risque de l'améliorer. Clara Dupont-Monod, prenons un petit peu le large avec tout ça. Bon, non, on va encore être intelligent, on ne va pas y arriver. Vous allez relever le niveau, Clara. Bon, là, je n'ai pas besoin, parce que là, c'était haut. Là. L'actualité, oui, Charline, c'est aussi un film qui sort aujourd'hui de Marjane Satrapi et qui s'appelle The Voices. Et alors, normalement, ce film devrait faire un tabac. En tout cas, je vous le conseille, Claude Villers, parce qu'il est à la fois hilarant et complètement flippant. C'est l'histoire de Jerry, qui est un schizophrène, qui tente de s'insérer dans une vie normale, avec un travail, des relations, des sourires, des déjeuners à la cantine. Mais il a un problème, il entend des voix, et ces voix le poussent à devenir un serial killer. Et vos médicaments, vous les prenez toujours ? En général. Quoi qu'il arrive, vous devez les prendre tous les jours. J'essaie d'être quelqu'un de bien, c'est ce que je veux être. Ce qu'il y a, c'est que M. Moustache me pousse à faire des choses. Et oui, alors Monsieur Moustache, c'est son chat. Donc il parle avec son chat, qui est un peu la conscience noire, et son chien, lui, est la conscience gentille, un peu comme le petit diable et le petit ange de Capitaine Haddock. Et donc ça s'affronte. Donc en tout cas, on voit que ça tourne pas très rond. Alors justement, un livre vient de sortir, et qui est passionnant, et qui s'appelle « L'homme qui voulait cuire sa mère ». Ne riez pas, parce que c'est très le sérieux. Titre est bon. Mais oui, du docteur Magali Baudon-Bruzel. Et en fait, c'est la version réaliste de The Voices. C'est un livre de recettes. Non, c'est pas un livre de recettes, parce que autant le film traite de la schizophrénie de façon burlesque, hein, autant ce livre-là, il donne l'arrière-plan médical et donc réaliste. Comme quoi, s'il y en a une qui aide à comprendre le monde, la norme et surtout ses pas de côté, c'est bien la culture. Alors Magali Baudon-Bruzel, je le signale quand même, elle fait un boulot pas très facile. Elle est chef de psychiatrie de la prison de Fresnes. Voilà. Donc c'est le genre de boulot où il faut un petit peu de sang-froid quand même, hein, puisque mine de rien, elle travaille depuis 20 ans en milieu fermé avec des gens que la société qualifie de fous dangereux, c'est-à-dire les Jerry du film, l'extrait qu'on a entendu. Sa fonction, c'est, je cite, de mettre du normal là où il y a de la folie. Mais mettre du normal dans le chaos suppose d'abord que l'on comprenne le chaos. Alors, qu'est-ce qu'elle pose comme question, Magali Baudon-Bruzel? Eh bien, par exemple, elle demande, si j'étais à côté de vous, je pourrais entendre les voix ou bien il n'y a que vous qui les entendez? Alors là, nous, on se demande quel est le menu de la cantine. C'est la question qu'on pose dans notre journée. Elle, c'est ce genre de question qu'elle doit poser. Et un peu plus loin... On a des préoccupations voilà, assez terriennes. Elle dit, elle est obligée de demander, mais comment c'est possible que votre père vous parle? Il est là? Et le patient détenu répond, je ne sais pas, je l'entends. Et le docteur conclut, et c'est tout. Pas de questions sur l'incompréhensible, l'illogique, l'absurde. Donc vous voyez, ce livre permet de comprendre comment procède un médecin face à des gens hors normes. Il doit avancer sans jugement. Et cette neutralité est sans doute la chose la plus difficile à obtenir. Pourquoi ? Bah parce que ces patients, ils ont fait des choses atroces. C'est pas pour rien qu'ils sont détenus. Donc il y en a un qui a poussé une femme sous les rails d'un train, comme ça. Et depuis d'ailleurs, Magali Baudon-Bruzel avoue qu'elle attend toujours le métro, le dos collé au mur. Il y a, oui, il y a une femme qui a tué son amant et qui s'est endormie en tenant sa main, voilà, main dans la main. Et puis, il y en a un autre qui a décapité sa mère et qui a fait cuire sa tête avec des épices, d'où le titre du livre. Et en plus, avec un argument, il dit au docteur, j'en avais marre de son couscous. Donc, il y a un côté complètement coton burlesque qui se mêle au dramatique, mais c'est exactement ça. Alors, évidemment, la réaction basique, la réaction des gens normaux, comme nous tous autour de cette table, non, je dis normaux, Alex, c'est de faire évidemment un bond en arrière en disant, mais quelle horreur, mais va des rétro Satanas. Alors, le cinéma, justement, adore jouer sur ce rejet que nous éprouvons, et un peu pervers, il campe, il affine le truc parce qu'il campe souvent des tueurs qui agissent comme des fous, mais qu'ils ne le sont pas. Et ça, c'est les pires. On peut couper la jambe d'un homme, mais elle le démangera toujours. Dis-moi, maman, une fois que ta chérie sera entre quatre planches, où est-ce que ça te démangera ? Ah voilà, alors ça c'est Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, et ça reste l'archétype du tueur cauchemardesque, parce qu'il choisit la voie sanguinaire de la folie, et il ne la subit pas. Et en plus, je vous rappelle que, et dans le film et dans le livre, il est docteur, donc en plus c'est pire. Et c'est ici que Magali Baudon-Bruzel rappelle que, dans la vraie vie, pour le coup pas dans le cinéma, ni dans les romans, mais dans la vraie vie, ces gens-là sont malade. Alors malade, ça veut dire que le gars qui fait cuire sa mère, il se sentait vraiment en danger. Il subissait ce qu'on appelle une psychose paranoïaque, c'est-à-dire qu'il était persuadé que c'était sa mère ou lui, il était en danger et donc il s'est défendu, tout comme Jerry dans le film The Voices, qui discute avec son chat, sincèrement persuadé que son chat parle, et d'ailleurs il choisit finalement de vivre dans ce monde-là. Alors, bien sûr, ça n'excuse rien, mais vous voyez, rien qu'en disant cette phrase, en disant « ça n'excuse rien », je me mets dans la peau d'un juge et non pas d'un médecin. Or, ce réflexe qu'on a tous de condamner, eh bien ça, le médecin, il doit s'en défaire. Lui, il a un but, je cite encore Magali Baudon-Bruzel, faire reculer le déni. Et quand le malade comprend ce qu'il a fait, quand il y a la prise de conscience, quand il y a la naissance de l'affect, alors c'est, je cite, une récompense, un cadeau. Et Magali Baudon-Bruzel dit, là je sais qu'on a gagné. Voilà, je vous redonne les références du livre. L'homme qui voulait cuire sa mère, Magali Baudon-Bruzel, c'est paru chez Stock. Merci Clara Dupont-Mono. Et toutes les références de vos livres, on peut les retrouver sur franceinter.fr, car vous avez votre page. Qu'il faut que j'actualise. Il y a du trafic. Il y a le site de l'émission. Il y a du trafic parce qu'il y a des gens qui vous écrivent, Clara Dupont-Mono, des auditeurs. Alors oui, c'est-à-dire que quand la page est actualisée, c'est plus simple. Ah oui, ça, les gens vous le reprochent. Hein. Ah ben, vous allez bosser. Quand on va sortir de l'antenne à 18h, hop, hop, hop. Vous allez mettre une recette de couscous pour que les gens n'aient pas de soucis après. Quel horreur. pardon. Et nous sommes toujours en compagnie de Claude Villers jusqu'à 18h. Alex Vizorek, vous êtes toujours là aussi? Moi, je suis là, je ne bouge pas. Les réseaux sociaux, tout bah, ça. Les réseaux sociaux, les gens vous regardent, hein, vous okay, trouvez rigolote. Ah, oui. Bah, c'est la vidéo hein, depuis c'est peu. C'est vrai, depuis donc, aujourd'hui, c'est... Regardez, non nous sommes sur dans l'ère de la vidéo, Claude Villers. Oui, c'est bizarre, c'est la radio ça. Mais oui. En image. Mais oui. Voilà. Mais enfin, mais vous savez quoi, le meilleur, c'est le son. Restez avec sûr. Nous derrière le poste. Surtout si vous êtes dans votre voiture, n'allumez pas la télé. Hein. Ça, c'est très dangereux, c'est la boulette. Allez, troisième sujet. Selon le journal anglais The Telegraph, relayé bien sûr par le Huffington Post, parce qu'on ne sait pas enfourner le Telegraph, je ne vous le cache pas, la Belgique a eu l'idée de créer une pièce de 2 euros pour commémorer Waterloo. La France tente de s'y opposer. Elle y est parvenue d'ailleurs. Voilà, ici, deux siècles après, bien Waterloo reste un profond traumatisme. Mais de l'autre côté de la frontière, c'est plutôt vu comme ça. Youhou! 55 000 morts quand même. Hein. Oui, bah, oui bah, c'est pas moi, c'est ABBA déjà. Alors, rien que la radio Pomodoro. Donc. Oui, mais c'était réuni pour ça. C'est pas un accident. Je veux dire, parce que chez nous, c'est vraiment sur des. C'est des grands jardins, Waterloo. Nous, on n'y était pas. Et oui, donc, une pièce de 2 euros. Et la France a tenté de bloquer la chose. Et est arrivée. Voilà. C'est le problème, c'est d'avoir un mini-bar dans le bureau. C'est ça le problème. Voilà, le service de presse du Conseil européen explique que la circulation de pièces portant des symboles négatifs pour une fraction de la population européenne semblait préjudiciable. Dans un contexte où les gouvernements de l'eurozone tentent de renforcer l'unité et la coopération au sein de l'unité monétaire, on a essayé de battre une monnaie qui représentait Waterloo. Alors ça fait marrer les Anglais, ça met les Français en pétard, et c'était une idée belge. Voilà, c'est l'Europe aujourd'hui, hein, Claude Villers, c'est assez rigolo, non ? Mais je trouve qu'ils ont que ça à faire. C'est vraiment. Vous savez, entre savoir la capacité des chasses d'eau pour harmoniser dans toute l'Europe et la taille des escabeaux pour cueillir les pommes. Voilà, oui. Ah, bah oui, c'est la longueur des saucisses. Faut unifier les saucisses de Strasbourg avec celles, je sais pas, de. De Francfort. Non, mais c'est intéressant quand même, parce que c'est les symboles européens, quand même, Claude Villers. 1815. Oui, parce que arrêtez de rigoler, parce que franchement, on est une émission sérieuse, Claude Villers. Si vous êtes venu pour faire des blagues, franchement, c'est pas la bonne adresse. Non, je ne dis plus rien. Non, mais il faut quand même dire, parce que nous, quand on rend hommage à Waterloo en Belgique, c'est aussi un Napoléon. Parce que, si vous voulez, pour nous, Waterloo, c'était le début de la Belgique, parce que 15 ans après, la Belgique est née. Donc, c'est vraiment un endroit qui est un endroit hommage, et c'est pas du tout contre la France, faut le dire. Oui, disons-le. Non, parce qu'il y a rien de croire qu'on a mauvais esprit. Je suis contre cette pièce qui rend hommage à quand même un des grands dictateurs de l'humanité. Ah oui, c'est pour autre moi, chose. Moi, je suis contre Napoléon. Vous êtes anti-napoléonien, vous ? Ah, moi, je suis contre c'est Napoléon. Rare pour un Français. Je le rends compte, j'ai fini une claque. Ah bah. Oui, alors tout petit, mais pas sérieux, Charline, mais quand même. Il faut savoir que Napoléon, quand il avait occupé certains territoires européens, les Allemands étaient très, très contre cette occupation. Et Goethe avait décrit les Français comme une race d'hommes pervers. Et il y a eu le congrès de Vienne après, et il y a eu Waterloo, et ça a été quand même l'émergence aussi du sentiment, notamment allemand, national. Donc en plus, c'est drôle le parallèle avec l'Allemagne. Allez, on va faire une pièce Austerlitz aussi, ça sera réglé. Allez, Claude Villers, on va tout doucement arriver au terme de cette émission, mais avant, il y a quand même cette revue de presse que tout le monde attend, Alex Vizorek. Bien entendu. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mets? Again the no. Et on commence par la Russie. Bonsoir à vous, Gérard Holtz. Oui, cette région, Gérard, vous la connaissez bien. Oui, mais non, je suis toujours à Paris. Hein. Il y a toujours pas mal d'embouteillages. Hein. Merci, Gérard. Bon, donc, en Russie, où Gérard Holtz n'est pas, parce qu'il est au pont du Garigliano pour ses duplex au pied de France Télévisions. Donc, Russie, le suspect numéro 1, donc d'origine tchétchène, dans l'assassinat de l'opposant russe Nemtsov, est passé aux aveux sous la torture. Bah, c'est normal. Et dans la foulée, le type a avoué aussi l'assassinat de Raspoutine. Ah oui, quand même, c'était de la bonne torture. Et puis, il a avoué aussi l'assassinat du tsar Nicolas II. Ah oui, quand même. Non, ça n'a pas l'air de vous surprendre. Bon, je ne savais pas, moi, que les Tchétchènes étaient déjà dans le coup à l'époque. C'est dingue, quand même, non? Enfin bon, mais ce n'est pas très démocratique de torturer des gens. Vous rigolez, ça a déjà beaucoup évolué, la torture en Russie. Entre son arrestation et les aveux, il y a eu 4 jours. Sous Staline, les types avouaient même avant de commettre les crimes. Oui, c'est vrai. Donc, passons au Moyen-Orient. Bonsoir à vous, Gérard Holtz. Cette région, Gérard, vous la connaissez bien? Bah non, je suis toujours à Paris, là, mais j'ai l'impression que ça se dégage sur la rive droite, hein, ça, il faut le dire. Si, Gérard. Moyen-Orient, oui, donc. Oui, le groupe État islamique déborde de créativité. Il s'est adressé à présent aux sourds. Dans une vidéo diffusée dimanche, l'organisation terroriste s'adresse pour la première fois en langue des signes aux aspirants djihadistes. Ah bon ? C'est curieux parce que vu que leur vidéo de propagande s'adresse à des gens aveugles, moi je pensais que pour les sourds, ils utiliseraient la radio. Mais ben non. Et c'est quand même beau la radio, n'est-ce pas, Claude Villers ? Ah, je me demande que vous disiez le contraire. Et vous aviez couvert l'inauguration de la Maison de la Radio, vous ? En 63, lorsque... Oui, j'étais dans la presse écrite à l'époque, et je ne savais pas qu'un jour je travaillerais quelques temps plus tard, puisque je suis rentré en 64. Et là, c'était l'inauguration de la Maison de la Radio, c'était en décembre 63. Vous, au départ, vous vouliez être à RTL, hein, c'est ça l'idée ? Non ? J'y ai travaillé. Mais écoutez, on était vraiment ravis de vous avoir avec nous. Oui. C'était vraiment un plaisir. C'est gentil. Et puis, nous, on va se retrouver demain, Alex Vizorek. Revenons. On sera au complet. Vous pourrez voir l'équipe au complet, donc sur France Inter. Et en vidéo. Je vais m'habiller un peu mieux parce qu'on me reproche mon côté pyjama. Et le mot de la fin, en hommage à Waterloo. Oui. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con.